Chapitre 11e. 6 semaines plus tard, vers le milieu de septembre, Henri prenait un matin le frais à sa fenêtre, lorsqu'un bruit de grelots retentit dans le lointain sur la grand-route, dominant le grondement sourd des roues d'une voiture, le cliquetis métallique de fer de chevaux frappant les pavés, et une clameur confuse qui semblait être le refrain de quelque chanson. Bientôt le jeune homme perçut le refrain d'une de ces ineptes chansons de café-concert, dont le mérite se mesure à la profondeur de la niaiserie et qui font les délices du peuple le plus spirituel de l'univers. « Le voilà, Nicolas, a. » Mareuil donnait au diable les fâcheux qui troublaient sa rêverie. Quand le vacarme des roues et des sabots rebondissant sur la pierre cessa tout à coup et fut remplacé par un grincement de sable écrasé. La voiture venait en effet de franchir la grille du parc. Quelques instants après, un grand break, conduit par Maxime, qui avait pris et occupé avec beaucoup d'autorité la place du cocher, décrivait une courbe savante en débouchant devant la façade du château et s'arrêtait au pied du perron. Trois jeunes gens mirent pied à terre, tandis que les domestiques s'emparaient de leurs valises. Après avoir flatté les chevaux, échangé sur eux quelques observations d'un air de connaisseur, loué la régularité du demi-cercle tracé dans le sable par les roues, ils entrèrent avec Maxime dans le salon, qu'un double escalier de pierre faisait communiquer avec le parc. « Allons bon, » pensa Henri, « voici les amis de Maxime. Nous étions pourtant si bien, sans eux. » Il quitta en soupirant l'appui de sa fenêtre. Il commençait en effet à prendre goût à la vie paisible qu'on menait au Charmy. Trois fois par semaine, M. Passemard, appelé à Paris par ses affaires, partait dès le matin et ne rentrait qu'à l'heure du dîner, avec ou sans Maxime, que des intérêts d'un autre ordre retenaient souvent. Ses absences n'alarmaient plus Mme Passemard depuis le jour où son mari lui avait expliqué, argument sans réplique, que tous les jeunes gens du monde font des fredaines. « Laisse-le jeter sa gourme, » disait-il, « ça me regarde. Je saurai bien l'arrêter quand il sera temps. Tu ne vois donc pas qu'il est fort comme un Turc, ton Maxime ? J'ai fait comme lui, moi qui te parle, » ajoutait-il d'un petit air scélérat. Madame Passemard s'était donc depuis longtemps résignée à voir son fils prendre les habitudes de ces précoces viveurs, qui, fourbus à 30 ans, se traînent sur leurs boulets quelques années encore et tombent épuisés sur la litière du mariage, dans un état voisin de celui qui fait envoyer les chevaux à l'écarissage. Certaines mines avantageuses que Maxime se donnait quelquefois en partant pour Paris, l'air de mystère qu'il prenait en ouvrant ses lettres, la préoccupaient fort. Elle soupçonnait qu'il était aimé d'une femme du monde, et la fierté était grande pour cette bourgeoise de penser que son Maxime avait su contracter une liaison si distinguée. Elle osa même l'interroger à ce sujet, non pas avec la réserve pudique et la gravité triste d'une mère qui s'alarme, mais avec cette curiosité dont l'empressement sollicite les joyeuses confidences. En effet, la grosse tendresse qu'elle témoignait à ses enfants, à Maxime surtout, son préféré, n'avait rien de la prévoyante sollicitude ni de la dignité du véritable amour maternel. C'était un instinct, plus qu'un sentiment. Parfois, elle prenait son fils dans ses bras et faisait pleuvoir sur son cou, sur ses joues, une averse de baisers humides, une chatte qui lèche ses petits les caresse avec moins de bestialité. Il disait, entre deux de ses baisers donnés à pleine bouche, « Dieu, que tu es beau, mon fils !» Henri, témoin de ses effusions, avait dû plus d'une fois se détourner pour cacher un sourire. Que M. Passemard allât ou non à Paris, Mareuil restait au Charmy en compagnie d'André et de sa mère. Le raffineur, plein de confiance dans le savoir et l'habileté de son secrétaire, lui laissait la direction de toute la correspondance politique qu'il entretenait avec les électeurs influents de la circonscription, les comités républicains de Paris déjà organisés en vue de la grande lutte qui se préparait, et les journaux de la capitale ou du département. Doué d'une rare facilité de travail, Henri expédiait toute sa besogne en quelques heures, pendant la matinée, et passait le plus souvent les après-midi auprès d'André. Il avait dans l'esprit un tour frondeur qui étonnait et charmait la jeune fille, habituée à prendre laborieusement le contre-pied de l'opinion commune, mais incapable de jongler comme lui, sans effort ni après, avec les plus brillants paradoxes. Sa verve railleuse inquiétait André, qui ne parvenait pas toujours à la déconcerter et qui d'ailleurs pêchait trop souvent contre le naturel et la simplicité pour ne pas redouter d'instinct, la perspicacité aiguë d'un homme unissant le goût de l'observation au don de l'ironie. Le scepticisme absolu que Mareuil faisait profession d'étendre à tout, et dont il affectait de tempérer les rares enthousiasmes qu'il se permettait, comme s'il avait poussé la crainte d'être dupe jusqu'à se défier de lui-même, paraissait à André la marque de l'homme tout à fait supérieur. Elle admirait en secret, et non sans une pointe d'envie, la subtilité d'un esprit habile à discerner et à rendre mille nuances de pensée insaisissables pour elle, cette imagination vive qui lui avait été refusée à elle-même, cette intelligence souple, ailée, d'étendue plus vaste et de qualité plus fine que la sienne, cette parole facile, colorée, qui touchait tous les sujets avec une grâce d'abeille voltigeant sur des fleurs. Henri, de son côté, trouvait une satisfaction d'amour-propre à voir la fille de M. Passemard remplacer peu à peu les épigrammes par des égards et montrer en une foule de petites circonstances le cas qu'elle faisait de lui. André commençait à le consulter, à lui emprunter des jugements, des mots, jusqu'à des formes de phrases. En littérature, en politique, il lui arrivait de modeler ses opinions sur celles de Mareuil. C'est ainsi qu'elle abandonnait George Sand, Feuillet et Musset pour passer à Balzac, Baudelaire et Zola. De même, elle affectait de parler avec mépris de la République parlementaire et orléaniste, s'élevait violemment contre le scrutin d'arrondissement et lançait à tort et à travers des professions de foi qui sentaient le jacobinisme. Henri ne disait mot et riait en lui-même au spectacle des belles indignations qui enflammaient alors la famille Passemard. C'était comme une sorte de représailles que sa pauvreté exerçait sur leur richesse. Il goûtait un plaisir mauvais d'ambitieux sans le sou à troubler la quiétude de ces parvenus opulents et jugeait piquant de leur faire jeter, par leur propre fille, l'expression de sa rancune d'homme qui n'est pas encore partie contre ceux qui sont arrivés. De toutes les flatteries qu'on puisse adresser à un homme, la plus délicate est assurément de faire la cour à son esprit, de se parer de ses idées comme ont porté autrefois les couleurs d'une belle en signe d'amoureux vacelage. Henri, touché de l'hommage discret rendu à son mérite par la docilité inattendue de la jeune fille, sentait se fondre de jour en jour l'espèce d'aversion qu'elle lui avait inspirée d'abord, découvrait en elle des qualités qu'il se reprochait presque de n'avoir point remarquées encore, et se promettait bien de les signaler à Jacques dans une nouvelle lettre, moins dure, moins injuste, qu'il ne trouvait pas le temps d'écrire. Il aurait peut-être dû concevoir quelque défiance de lui-même, en sentant qu'une force douce et irrésistible le poussait à s'abandonner au courant de sympathie qui le portait vers elle. Mais, pour tromper la raison, le cœur a de merveilleux sophismes. Mareuil se persuada qu'en prenant insensiblement de l'ascendant sur André, il travaillait seulement d'une manière plus efficace à faire triompher auprès d'elle la cause de son ami. De fait, il ne se passait pas de jour qu'il ne fît de Jacques le plus magnifique éloge. Depuis quelque temps surtout, il mettait une singulière ardeur à vanter non seulement son courage, sa droiture, sa bonté, l'élévation de ses sentiments, mais ce qui devait toucher davantage une jeune ambitieuse, la puissance et l'originalité de son talent. André l'écoutait avec un imperceptible sourire, d'un air quelque peu distrait, sans jamais l'interrompre, sans donner une marque d'impatience, sans diriger contre Jacques un seul de ces sarcasmes dont elle était naguère encore si prodigue. Puis, après avoir, en quelques mots d'approbation banale, protesté de son estime pour Henriot, elle détournait la conversation. Mareuil, désormais en règle avec sa conscience, rassuré contre certaines inquiétudes vagues par la preuve qu'il se donnait fréquemment à lui-même de la sincérité de son dévouement et de l'honnêteté de ses intentions, ne songeait plus alors qu'à faire chatoyer sous les yeux de la jeune fille les mille facettes de son brillant esprit. L'amitié qui l'unissait à Jacques était si vraie, si pure, de tout alliage. Il faisait si bien cause commune avec lui et, comme certains avocats, s'identifiait si complètement à son client, qu'il en arrivait à voir dans son propre succès auprès de la jeune fille une vengeance tirée par Jacques lui-même des dédains dont il avait été abreuvé par elle. Et le temps coulait doucement au charmi. Les longues causeries, les lectures à haute voix, les discussions sans fin sur l'art, la littérature, la politique, alternaient avec les excursions en voiture dans la plus belle forêt du monde, les courses à pied, et quelquefois des promenades en barque le long des rives de la Seine, où les iris sauvages, aux feuilles tranchantes comme des lames de sabre, se dressent sur la berge vaseuse, au bord de l'eau noire qui dort sous les vertes ombrelles des nénuphars. C'est pour cela que Mareuil pestait contre ses amis de Maxime, dont la présence importune allait altérer la douceur de cette quiétude qu'il goûtait, sinon sans quelque trouble passager, du moins sans crainte et sans remords.